Summer, crack, 4. Puis-je avoir un cigare, s'il vous plaît? Wavemaker, c'est comment? L'Osa comme Tiro du Martio, fut un temps je me branlais sur Sophie Marceau. 9 mm mieux que arts martiaux, j'ai plus de recul qu'un fusil d'assaut. Je vous baisse tous, y'a pas critère ratio. Survivant de ma génération, l'un des moins aimés chez les michetos. Radin sur les bords un peu macho. Je fume un gars si je suis dans le patio. Bronzé comme Josiane Balasco. Très vif d'esprit comme Horatio. J'encule les fachos de la Lazio. Je veux être un symbole pour les miens. Genre Sankara ou Burkina Faso. Je vais récupérer tous les gains. Toutes mes sincères salutations. Suis-je réellement celui dont ils parlent? Ça c'est la question que je me pose. Idiot utile, Kaira subtil. Ces deux impressions qui s'opposent. Quelle heure est-il sur ma Datejust? Je dois capter des business angels. Pour le repentir, ça risque d'être juste. Mais comme on dit, only God can judge. Mikasa no es tu casa. Je veux le reroller, diamant de Bokassa. C'est moi Simba, c'est moi le roi. Trahi par un frère comme Mufasa. Franky, tu sais ce que c'est qu'un hassa? L'eau ça fait pas, ça fait pas ça. Franky, tu sais ce que c'est qu'un hassa? L'eau ça fait pas, ça fait pas ça. Mikasa no es tu casa. Mikasa no es tu casa. Mikasa no es tu casa. Mikasa no es tu casa. Franky, tu sais ce que c'est qu'un hassa? L'eau ça fait pas, ça fait pas ça. Franky, tu sais ce que c'est qu'un hassa? L'eau ça fait pas, ça fait pas ça. J'suis avec mes ropes et père en chill. J'fais que la signature de mon nouveau deal. Toujours plus proche des rotiles. Ce qui fait peur, c'est ce qui motive. Je ne sais que lancer des ogives. Mon sang résonne dans les coursives. Tire sur ennemi comme on tire sur corde sensible. OG jusqu'à ce que Mars s'en suive. L'impression d'être toujours pris pour cible. Niquez vos mères, j'fais mon possible. Protège ton fils, il est novice. L'influence de la loserie est nocive. Trou de balle, à quoi te sert ta tête? À part séparer tes oreilles. T'as pas encore compris ça peut-être. Le réseau c'est plus précieux que l'oseille. J'suis chaud pour servir d'exemple. Si le rap game a besoin d'un patron. Parce que les chiens se bouffent entre eux. S'ils sentent pas la menace du bâton. Biffer en faisant plaisir à tout le monde. J'vois pas d'autre choix que vendre des glaces. Et ne la race la plus immonde. Forcer de s'outiller quand on se déplace. Mikasa no es tu casa. J'veux le reroller diamant de Bokassa. C'est moi Simba, c'est moi le roi. Trahi par un frère comme Mufasa. Franky, tu sais ce que c'est qu'un hassa? L'eau ça fait pas, ça fait pas ça. Franky, tu sais ce que c'est qu'un hassa? L'eau ça fait pas, ça fait pas ça. Mikasa no es tu casa. Mikasa no es tu casa. Mikasa no es tu casa. Mikasa no es tu casa. Franky, tu sais ce que c'est qu'un hassa? L'eau ça fait pas, ça fait pas ça. Franky, tu sais ce que c'est qu'un hassa? L'eau ça fait pas, ça fait pas ça. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un hassa, Frank? C'est un porc. Qui ne vole pas droit. Où t'as fait toi, Frank? Merde, non, mais tu peux, je t'en suis. Je vais pas te tuer. Ah, oh, Dieu, merci. Manolo, oui? Tue cette merde gluante. Non, non, non, non.